Merci Tiffaine de Roquigny et nous continuons à nous intéresser aujourd'hui pour notre quatrième et dernier volet à l'écrivain Patrick Modiano. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Patrick Modiano n'a pas couru après les honneurs, mais il les a tous reçus. Le prix Nimier pour son premier roman La Place de l'Étoile, paru en 1968. Le prix Goncourt 10 ans plus tard pour Rue des Boutiques Obscures et aussi pour l'ensemble de son œuvre, sans oublier le Nobel, bien entendu, qui lui a été décerné en 2014. Et puis ne l'oublions pas, le public des lecteurs est également au rendez-vous de cette œuvre dont nous tentons de tracer les contours depuis le début de cette semaine et dont tous les épisodes sont disponibles. Disponible en podcast. Pour saisir cette œuvre, nous avons commencé lundi par raconter l'enfance et la jeunesse de Patrick Modiano, matrice originelle d'où découlent la plupart de ses obsessions. C'est Denis Cosnar qui nous en parlait. Mardi, nous avons tenté un panorama de ses grands thèmes et une première analyse de ce qui fait la particularité de son œuvre. Nous l'avons fait avec Bruno Blankmann. Enfin hier, avec Dominique Viard et Laurent Douzou, nous avons évoqué ses livres par le prisme de l'histoire et en particulier par la période de l'occupation. Qu'en est-il d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de sa vision de la littérature de Modiano et aussi pour s'attarder sur deux de ses romans, La Petite Bijou et Accident Nocturne, nous sommes avec Claude Burgelin, professeur émérite de littérature contemporaine à l'Université Lyon 2. Et pour entrer dans cette émission, un extrait du livre autobiographique de Modiano, Un pédigré, lu ici par Thierry Scatolin. En octobre 1956, j'entre comme pensionnaire à l'école du Moncel, à Jouy-en-Josas. J'aurais fréquenté toutes les écoles de Jouy-en-Josas. Les premières nuits au dortoir sont difficiles. Et j'ai souvent envie de pleurer. Mais bientôt, je me livre à un exercice pour me donner du courage. Concentrer mon attention sur un point fixe. Une sorte de talisman. En l'occurrence, un petit cheval noir en plastique. En février 1957, j'ai perdu mon frère. Un dimanche, mon père et mon oncle Ralph sont venus me chercher au pensionnat. Sur la route de Paris, mon oncle Ralph, qui conduisait, s'est arrêté. Il est sorti de la voiture, me laissant seul avec mon père. Dans la voiture, mon père m'a annoncé la mort de mon frère. Le dimanche précédent, j'avais passé l'après-midi avec lui, dans notre chambre, quai de Conti. Nous avions rangé ensemble une collection de timbres. Je devais rentrer au collège à 5 heures et je lui avais expliqué qu'une troupe de comédiens jouerait, pour les élèves, une pièce dans la petite salle du théâtre du pensionnat. Je n'oublierai jamais son regard ce dimanche-là. À part mon frère Rudy, sa mort, je crois que rien de tout ce que je rapporterai ici ne me concerne en profondeur. J'écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae, à titre documentaire, et sans doute pour en finir avec une vie qui n'était pas la mienne. Bonjour Claude Burgelin. Bonjour. Alors nous avons choisi cet extrait d'un pédigré, notamment pour cette phrase qu'on vient d'entendre. J'écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae. Est-ce qu'on n'aurait pas ici la clé de Patrick Modiano et de son œuvre, résumée dans ces quelques mots, qui traduisent une certaine froideur, une certaine extériorité à sa propre vie dans la manière de se raconter ? Oui, virgule, non. Okay. Non. Plus exactement, Patrick Modiano, c'est le jeu constant entre ce qui m'a fait dire oui et ce qui m'a fait dire non. C'est-à-dire que, au contraire, il y a une place très riche aux impressions, aux sensations, aux émotions, et en même temps qu'il y a cette recherche d'une netteté, d'une objectivité. Et ce qui est passionnant avec Modiano, c'est qu'on n'est jamais sur du terrain stable. Et c'est ça qui fait toute la richesse et l'intelligence des textes de Modiano. Modiano, il a introduit une espèce de révolution tranquille, pour parler comme les Québécois, dans la narration, au moment où tout le monde se gargarisait des révolutions du langage poétique et autres dans les années 60-70, lui déstabilisait l'espace, le temps, le personnage, la conscience, le récit, de façon insidieuse, presque impossible à voir au premier abord. Et il y a là des rénovations passionnantes dans l'art du roman. Milan Kundera, dans ces années-là, trouvait le roman européen devenu un peu polichon et proposait que, pour le renouveler, les romanciers écoutent quatre appels. L'appel du temps, l'appel du rêve, l'appel du jeu et l'appel de la pensée. Eh bien, j'entends, je vois ces quatre, que Modiano a répondu à ces quatre appels. L'appel du rêve, puisqu'il fait du rêve un instrument de compréhension et de connaissance de la réalité presque plus essentiel que la perception ordinaire. Il dit ceci, par exemple, dans le discours du Nobel. Le travail du romancier doit aller dans ce sens-là. Son imagination, loin de déformer la réalité, doit la pénétrer en profondeur et révéler cette réalité à elle-même avec la force des infrarouges et des ultraviolets pour détecter ce qui se cache derrière les apparences. Le rêve est un très bon moyen de détecter ce qui se cache derrière les apparences, et en ce sens, Modiano est un freudien absolu. Vous êtes en train de nous dire, Claude Burgelin, que Patrick Modiano est peut-être encore un peu sous-estimé aujourd'hui, malgré le prix Nobel, dans la révolution qu'il aurait apportée aux lettres françaises et peut-être plus largement aux lettres mondiales. Oui. Je vais vous lire quelques lignes de Proust à propos de Nerval, parce qu'on pourrait faire le parallèle entre Nerval et Modiano, l'objet perdu. Entre Proust et Modiano aussi. Entre Proust et Modiano aussi. Absolument. Ah ben oui, je vais vous lire des phrases de Proust qui pourraient être du pur Modiano. C'est du temps retrouvé. « Je ne traversais pas les mêmes rues que les promeneurs qui étaient dehors ce jour-là, mais un passé glissant, triste et doux. Il était d'ailleurs fait de tant de passés différents qu'il m'était difficile de reconnaître la cause de ma mélancolie. » Autre phrase. Diverses impressions, avaient entre elles ceci de commun que je les éprouvais à la fois dans le moment actuel et dans un moment éloigné, jusqu'à faire empiéter le passé sur le présent et de me faire hésiter à savoir dans lequel des deux je me trouvais. Encore, une chose que nous avons regardée autrefois, si nous la revoyons, nous rapporte avec le regard que nous y avons posé toutes les images qui nous remplissaient alors. Seule l'impression, si chétive qu'en semble la matière, si insaisissable la trace, est un critérium de vérité, et à cause de cela mérite seule d'être appréhendée par l'esprit. Mm-hmm. C'est du pur Modiano. C'est du pur Modiano, ou c'est Modiano qui est du pur Proust? Parce que chronologiquement, il faut le prendre comme ça. Oui, mais je crois que c'est plutôt Proust qui plagie par anticipation Modiano. Ah oui, c'est sûr. voici ce que dit Proust à propos de Nerval. Si un écrivain aux antipodes des claires et faciles aquarelles a cherché à se définir laborieusement à lui-même, à saisir, à éclairer des nuances troubles, des lois profondes, des impressions presque insaisissables de l'âme humaine, c'est Gérard de Nerval, et j'ai envie de dire, c'est Patrick Modiano. Il dit encore, il reconnaît en Nerval une sorte de subjectivisme excessif, d'importance plus grande pour ainsi dire attachée à un rêve, à un souvenir, à la qualité personnelle de la sensation, qu'à ce que cette sensation signifie de commun à tous, de perceptible pour tous, la réalité. Une phrase encore, parce que je la trouve magistrale. « Ceux qui sont hantés de ce souvenir confus des vérités qu'ils n'ont jamais connues sont les hommes qui sont doués. » Et pour être hanté des vérités qu'ils n'ont jamais connues, on pourrait trouver difficilement meilleur exemple que Modiano. « Le talent est comme une sorte de mémoire qui leur permettra de finir par rapprocher d'eux cette musique confuse, de l'entendre clairement, de la noter, de la reproduire, de la chanter. » C'est admirablement dit à propos de Nerval, et je trouve que ça convient parfaitement à l'œuvre de Modiano. Comment vous avez-vous découvert cette œuvre et par quel ouvrage, par quel roman êtes-vous entré dans l'univers de Modiano ? J'ai eu un drôle de parcours parce que j'ai lu comme tout le monde La Place de l'Étoile et je me suis dit ouais, bon, il la ramène beaucoup, ce jeune homme est doué. Où est-ce qu'il est ? D'abord parce que La Place de l'Étoile, c'est pas d'une clarté limpide sur sa position. Où est-ce qu'il est politiquement ? Oui. J'ai lu les deux suivants, poliment, mais pas encore vraiment intéressé. Et puis tout à coup, l'accrochage s'est fait avec Ville la Triste. Mmh. Et depuis Ville la Triste, je reste accroché à Modiano. Et je dirais chaque fois plus ému, peut-être moins par les tout derniers, mais enfin très ému par ce que met en œuvre Modiano. Il se trouve que mon travail de critique a beaucoup porté sur l'œuvre de Georges Perec. Et faire continuellement des parallèles entre Perec et Modiano est extraordinairement suscitant. C'est la question de la mémoire qui relie ces deux écrivains ? La question de la mémoire, la question de l'origine fracassée. Puisque ce que Modiano, l'enfance. L'enfance. Modiano nous dit « j'ai pas eu de père, j'ai pas eu de mère, mon père était un salaud et ma mère de même. » Et il n'y a pas d'origine, et il n'y a pas d'été, il n'y a pas de pilotis. Perec dit « pour être, besoin d'été ». Et effectivement, Perec les a perdus. Et chez l'un comme chez l'autre, la question de la mémoire est reliée à la question de l'amnésie. Puisque Perec, c'est l'histoire avec sa grande hache et je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Ils se sont croisés un petit peu tous les deux ou pas ? Non. Sauf que Modiano a lu Perec avec beaucoup d'attention. Il fait naître un de ses personnages, l'Ingrid Tersen de Voyage d'hiver, là où est né Georges Perec, au 19 rue de l'Atlas. Toujours dans les lieux. Dans un des derniers, il est noté l'adresse 5 rue de Quatrefages, où a vécu Perec. Il est évident que Modiano a lu Perec très attentivement, et l'un est publié La Boutique Obscure en 1974, et l'autre rue des Boutiques Obscures en 1975. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous lisez Ville la Triste, qui fait que votre regard sur Modiano, qui était un regard jusque-là sans doute bienveillant, mais aussi peut-être en attente de quelque chose, qu'est-ce qui se passe pour vous avec ce livre-là ? Je crois que tout à coup j'entends sa musique que je ne savais pas entendre auparavant. C'est pas lui qui a changé, c'est vous en tant que lecteur qui avez mieux que compris. Il a un peu changé, puisqu'effectivement c'est moins obsédé par l'occupation et par quelque chose de tout petit peu artificiel dans la construction narrative de ses romans sur l'occupation. Alors que là, il l'embraye beaucoup plus sur sa boutique obscure à lui et commence à nous la faire entendre de façon très fine. Vous êtes beaucoup intéressé au nom des écrivains, au nom de Perec, mais aussi au nom de Gary, de Duras, de Léris. Vous avez publié au Seuil en 2012 un ouvrage qui s'appelle Les Malnommés, ouvrage dans lequel on ne trouve pas trace de Patrick Modiano. Est-ce que ça signifie qu'il n'appartient pas à ces écrivains que vous appelez les Malnommés ? Il serait bien nommé ? En tout cas, il n'a cessé d'interroger son nom. Et qu'est-ce que c'est qu'être le fils Modiano ? Il y a un épisode saisissant dans un pédigré, il voit le nom de Lagrois sur une boîte aux lettres. Et il demande au concierge, c'est qui ce Lagrois ? Et l'autre lui répond, c'est ton père. Être fils de pseudo, être fils d'un père dont l'identité est si flottante, qui a joué avec les pseudonymes, c'est extraordinairement troublant et inquiétant. Et d'une certaine façon, Modiano n'a cessé d'interroger son nom, dont il ne décolle pas, puisque il se place lui-même dans tous les récits qu'il propose. Il est là à chaque fois. Il raconte l'histoire de Jean Bosmans ou de Jean d'Aragane, mais il nous les relie comme par un élastique avec son destin à lui. Et les noms des personnages sont souvent importants. C'est capital, puisqu'effectivement, Modiano, comme Pérec, est un hypermnésique. Et l'hypermnésie vient en lieu et place d'une amnésie. C'est parce que quelque chose de l'essentiel est perdu, l'objet perdu ne se retrouve jamais, parce que quelque chose d'essentiel est perdu, il va investir tous ses noms propres, ses noms de rue, ses numéros de téléphone, et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui, quoi, qu'est-ce ? Quel est l'appel qu'il y a derrière ces noms ? Il va investir les presque rien. Presque rien. Comme une piqûre d'insecte qui vous semble d'abord très légère. Du moins, c'est ce que vous vous dites à voix basse pour vous rassurer. Le téléphone avait sonné vers 4h de l'après-midi chez Jean d'Aragan, dans la chambre qu'il appelait le bureau. Il s'était assoupi sur le canapé du fond, à l'abri du soleil. Et ses sonneries, qu'il n'avait plus l'habitude d'entendre depuis longtemps, ne s'interrompaient pas. Alors pourquoi cette insistance ? À l'autre bout du fil, on avait peut-être oublié de raccrocher. Enfin, il se leva et se dirigea vers la partie de la pièce près des fenêtres, là où le soleil tapait trop fort. J'aimerais parler à monsieur Jean d'Aragan. Une voix molle et menaçante. Ce fut sa première impression. Monsieur d'Aragan, vous m'entendez ? D'Aragan voulut raccrocher. Mais à quoi bon ? Les sonneries reprendraient sans jamais s'interrompre. Et à moins de couper définitivement le fil du téléphone, lui-même, c'est au sujet de votre carnet d'adresse, monsieur. Ellington. Compagnie des auteurs et cette lecture par Sam Ifré d'un extrait de « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier » de Patrick Modiano, où il est question d'un carnet d'adresses perdu, il est question d'une sonnerie de téléphone qui ne s'arrête pas, d'un coup de téléphone plutôt insignifiant, il est question de presque rien, Claude Burgelin. De quoi parle Patrick Modiano quand il parle de ces presque rien ? De presque tout. Puisque pour lui, il y a là quelque chose d'essentiel. La force de l'univers de Modiano, c'est d'ouvrir l'univers associatif dans sa plus grande extension, tout en ayant des garde-fous. C'est-à-dire que la mémoire à la fois s'égare et ne s'égare pas. L'univers associatif, qu'est-ce qui l'associe justement ? Modiano se définit comme quelqu'un de concret, qui a le goût du réel, ce qui est peut paraître paradoxal, mais oui, c'est quelqu'un qui est attaché aux sensations, aux voix, aux sonorités, à des impressions subjectives, mais c'est à partir de ça qu'il construit le rapport à la réalité. Il construit son rapport à la réalité à partir du matériau qu'un bon psychanalyste ferait venir dans la bouche de ses patients. Dites-moi vos impressions, vos impressions concrètes. Parlez-moi de vous, mais non pas à partir de construction mentale, mais à partir de votre univers de sensations, de rêveries et de fantasmes. Et la sensation, ça peut être la sensation de l'éther, comme dans La Petite Bijou, sensation qui est une sensation proustienne. Vous parliez de Proust, Claude Burgelin, au début de notre entretien. Parlons justement un peu de La Petite Bijou. On parlera en seconde partie, après la chronique d'Accident dans Nocturne, mais il y a entre ces deux livres quelque chose de commun, non seulement parce que Patrick Modiano creuse toujours un même sillon, mais aussi plus précisément parce que il y a un accident qui est présent dans l'un et l'autre de ces livres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cela ? Alors, La Petite Bijou représente un moment vraiment intéressant de l'itinéraire de Modiano. Il l'a écrit donc 4 ans après Dora Bruder, à partir de Dora Brunet, elle va s'intéresser aux femmes, aux filles, et en particulier ce personnage qu'on trouve à peu près constamment chez lui, de la jeune fille qui arrive sur le pavé de la capitale, paumée, égarée, sans arrière-fond, sans été. La petite bijou représente un paroxysme du genre parce qu'elle n'est envahie que par les signifiants maternels. Elle croit avoir rencontré sa mère perdue de vue, crue morte au Maroc, dans le grand centre de dispatching que sont les couloirs du métro Châtelet. Elle suit cette femme, elle est de plus en plus sûre qu'il s'agit de sa mère. Elle suit cette femme qui a un manteau jaune et la femme un peu passé, une femme qui a l'air assez accablée. Elle aussi parfaitement paumée, une paumée de 50 ou 60 ans. Naturellement, les deux femmes ne se parleront jamais. Mais pourquoi naturellement ? Pourquoi naturellement ? Parce que dans l'univers de Modiano, il n'y a pas cette possibilité de dialogue frontal, n'existe jamais. Que c'est une illusion de croire à ce type de rencontre. Mais il peut y avoir rencontre quand même ? Oui. Parce que, en tout cas, Bijou va être rencontré par deux personnes. Un pseudo-père et une pseudo-mère. Un pseudo-père, le fameux Moreau Badmef, qui est inspiré du personnage du poète et écrivain Armand Robin. Et devant lui, elle s'effondre, elle balbutie. Et Moreau Badmef lui dit en substance... mais je comprends très bien la langue que vous parlez, les langues étrangères me sont tout à fait familières. Et il sait entendre justement le désarroi, le désastre, le silence. Et la pseudo-mère, ce sera la pharmacienne, qui prendra soin d'elle, lui posera quelques questions, mais Bijou y répondra à côté, mais ça ne fait rien, elle est entendue, elle est attendue, et d'une certaine façon, elle est aimée. Alors on va creuser ces différents thèmes, notamment le thème de l'enfance. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute un extrait de La Petite Bijou, lu ici par Laurence Millet. Une douzaine d'années avaient passé depuis que l'on ne m'appelait plus La Petite Bijou. Je me trouvais à la station de métro Châtelet à l'heure de pointe. J'étais dans la foule qui suivait le couloir sans fin sur le tapis roulant. Une femme portait un manteau jaune. La couleur du manteau avait attiré mon attention et je la voyais de dos sur le tapis roulant. Puis elle marchait le long du couloir où il était indiqué direction Château de Vincennes. Nous étions maintenant immobiles, serrés les uns contre les autres au milieu de l'escalier, en attendant que le portillon s'ouvre. Elle se tenait à côté de moi. Alors, j'ai vu son visage. La ressemblance de ce visage avec celui de ma mère était si frappante que j'ai pensé que c'était elle. Elle s'est assise sur l'un des bancs de la station, à l'écart des autres qui se serraient au bord du quai en attendant la rame. Il n'y avait pas de place libre sur le banc à côté d'elle et je me tenais debout, en retrait, appuyée contre un distributeur automatique. La coupe de son manteau avait été sans doute élégante autrefois et sa couleur vive lui donnait une note de fantaisie. Mais le jaune s'était terni et il était devenu presque gris. Elle paraissait ignorer tout ce qui l'entourait, et je me suis demandé si elle resterait là, sur le banc, jusqu'à l'heure du dernier métro. Le même profil que celui de ma mère, le nez si particulier, légèrement relevé du bout, les mêmes yeux clairs, le même front haut. Les cheveux étaient plus courts, non, elle n'avait pas beaucoup changé. Les cheveux n'étaient pas aussi blonds, mais après tout, j'ignorais si ma mère avait été vraiment blonde. La bouche se contractait dans un pli d'amertume. J'avais la certitude que c'était elle. La compagnie des auteurs sur France Culture. Donc on l'a dit, Claude Burgelin, dans La Petite Bijou, l'héroïne croit reconnaître sa mère dans le métro alors qu'elle est depuis longtemps partie au loin, qu'elle est même réputée morte, cette mère. Et la jeune fille, donc surnommée La Petite Bijou, décide de suivre celle qu'elle pense avoir reconnue jusqu'à ce qu'on arrive à un immeuble de banlieue aux lisières de Vincennes. Elles ne se rencontreront jamais, mais en revanche, la fille va suivre la mère un peu tout au long du roman. C'est précisément cette chose perdue qu'elle ne retrouvera jamais, mais qu'elle suit néanmoins. Absolument. Il s'agit, dans le roman de Modiano, de ne pas décoller du souvenir traumatique tout en l'esquivant. C'est cette contradiction qui est motrice. Et effectivement, elle va chercher tout le temps, réévoquer un somme de souvenirs liés à la mère. En même temps, les romans de Modiano passent leur temps à leur raconter autre chose que ce qui est censé être l'intrigue principale. Puisque là, on va voir l'histoire avec les Valadiers, ce couple qui s'occupe, ou plutôt ne s'occupe pas, d'une petite fille qui est comme une métaphore de La Petite Bijou. On va voir les épisodes chez Moreau Badmaef. Et ça, là aussi, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment se construit un réseau d'associations qui n'est pas dans la ligne générale qu'on attend d'une intrigue romanesque où on va d'un point A à un point B en essayant de tracer une ligne à peu près droite entre A et B. Et non, quelque chose se dessine justement à travers ces écarts, ces digressions, ces fugues. Et c'est ça qui va former la trame narrative elle-même. Et ce qui se dessine, c'est un trou quand même, un vide. La Petite Bijou n'a pas de nom. Elle s'appelle seulement par ce surnom, La Petite Bijou. En tout cas, c'est comme ça que sa mère l'avait surnommée et l'appelait. Et parce qu'elle n'a pas de nom, elle a des difficultés à exister, à être. Elle n'a pas de nom et les seules choses qui habitent sa mémoire, c'est quelques signifiants maternels. Le tableau de Tolassoungarov, le carrefour des archers, etc. Et effectivement, d'une certaine façon, sa mère ne l'a pas nommé. Je crois que ça touche quelque chose de la structure profonde de Modiano. On évoquait la question du nom, il n'a pas été nommé par ses parents. Mmh. Dans quel sens n'a-t-il pas été nommé par ses parents? Je dirais pas au sens presque qu'il y a dans la Bible, quand on donne un nom signifiant à son enfant. Mmh. Là, il est le fruit de la contingence. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il se soit métaphorisé, puisque c'est de lui qu'il parle à travers le personnage de La Petite Bijou, sous les traits d'une jeune fille. Alors pourquoi justement? Parce que ça arrive assez tard dans son œuvre, l'apparition plus massive, entre guillemets, des femmes et des filles. Parce qu'elles incarnent, me semble-t-il, les êtres paumés et perdus, plus encore que les hommes. Et pourtant, lui semble bien paumé et perdu, tout homme qu'il soit. Ouais, mais il a quand même son double maître. Non, mais il y a quelque chose qui va en profondeur dans le sentiment de perdition avec ces jeunes filles qui n'ont aucun levier, aucun outil pour prendre en main quelque chose de leur vie, de leur existence sociale. Comment on fait alors pour oublier la douleur quand on est un personnage de Patrick Modiano? Quelles sont les stratégies d'évitement? L'amnésie. Effectivement, il y a cette très belle page sur l'éther que vous avez évoquée tout à l'heure. L'éther provoque mémoire et oubli. Hein, et effectivement, il s'agit l'éther, on s'approche de ce qui fait souffrir et en même temps, on l'écarte, on l'éloigne. C'est très agréable de s'évanouir dans l'éther, non? Oui, mais on voit bien que Modiano, on en parlera dans l'accident nocturne, cherche les grandes respirations. Mmh. Respirer. C'est d'ailleurs très intéressant que Modiano loge à ce point dans le corps qui respire, et on pourra parler de sa façon de faire respirer la langue, l'état de bien-être. La petite bijou se termine sur une image de naissance. On lui a fait miroiter de partir pour Bar-sur-Aube, qui est un signifiant riche. C'est-à-dire ? L'Aube, la naissance. C'est la ville de naissance de Gaston Bachelard, et ça me plaît beaucoup. Et on la voit à l'hôpital, elle est dans le service des grands prématurés, et les dernières images d'elle, c'est elle tendant la main vers un pot de yaourt. Du lait, oui. Boire le lait maternel. Enfin, elle va pouvoir renaître. Donc c'est le début de la vie. C'est le début de la vie. Pour la petite bijou, cette fin de roman. En tout cas, c'est une feuille que j'interpréterais comme optimiste. Enfin, renaître, sortir de l'enfermement dans une demande impossible à l'égard de la mère. Oui. Vous parlez d'intelligence à propos de ce roman, comme à propos d'Accident Nocturne, roman dont nous allons parler juste après la chronique traditionnelle du jeudi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique du jeudi dans laquelle, vous le savez, nous demandons à un grand lecteur ou une grande lectrice de venir nous parler du sujet traité ici toute la semaine. Et c'est aujourd'hui Éric Marty qui vient nous voir. Bonjour Éric. Bonjour. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été dit dans cette première partie d'émission ? Alors, c'est peut-être d'abord une sorte de nuance autour de Proust. Pour moi, Modiano est... Vous pensez que Proust n'a pas lu Modiano, voilà. Et je pense que Modiano est de cette manière anti-proustien. Au sens où, en effet, le monde associatif dont Claude a parlé ne débouche jamais sur la métaphore. Ça coupe toujours, ça ne prend pas. Mmh. Il n'y a pas la Madeleine. Et pourquoi, justement, il n'y a jamais de métaphore chez Modiano ? C'est intéressant, ça. Ben justement, parce que la mémoire y est brisée et il n'y a pas ce « je » puissant proustien qui parvient à tout réunir et à tout rétablir. Et il y a quelque chose de brisé chez Modiano. D'ailleurs que paradoxal, parce que d'un côté, en effet, le narrateur de Modiano est toujours un peu effiloché, faible, et en même temps totalement obstiné. Il ne renonce jamais. À la fois, il est totalement détruit, et en même temps, il ne renonce jamais à ce qu'il cherche. Et il y a là quelque chose de très frappant. Et alors, peut-être il y a un côté proustien chez Modiano, mais alors paradoxal, sur un point qui n'a pas été abordé, qui est le monde juif. Mm-hmm. L'humour juif, qui est dans La Place de l'Étoile, qui est réellement pour moi le livre du carnavalesque juif, c'est-à-dire où les choses sont renversées en leur contraire, c'est le tohu-bohu complet du langage et de l'imaginaire, de la mort, de la destruction dans une dimension comique. De même qu'il y a chez Proust cette dimension carnavalesque autour des personnages juifs de Proust, Bloch, Nessim Bernard, etc., où il y a cette dimension du carnavalesque et du burlesque. Alors là, en effet, ils se rencontrent, je trouve, sur un mode, évidemment, tout à fait paradoxal. Claude Biangelin, je vous vois opiner du chef. Oh oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a quand même plus de métaphorique que tu le dis chez Modiano. Mais le côté carnavalesque, l'humour de Modiano, il est très intéressant parce qu'il est justement souvent à peine perceptible. Mais il est là, et parfois très sardonique. C'est un humour juif, hein. Oui. C'est la mythomanie juive, enfin du burlesque juif. Par exemple, Victor Schmara dans Villa Triste, où tous les personnages ont une dimension justement de mythomanie qui relève en effet d'un humour mais très très subtil. Mmh. Alors dans La Place de l'Étoile, c'est beaucoup plus frappant parce que l'humour est là très présent. Après, ça se dilue. Puis alors, à partir en effet du Rédemption des Obscurs, là l'humour, me semble-t-il, disparaît en grande partie, même s'il y a des éléments d'ironie, de choses comme ça. Mais tout de même, il y a une dimension très sombre qui apparaît. Et alors là, qui me pousse vers une lecture différente, mais très proche de celle de Claude Bourgelin, Vermediano, c'est une lecture un peu sentimentale, d'émotion et d'émotivité très profonde. Je peux pas lire, au fond, par exemple, Rue des Boutiques Obscures ou Dora Bruder ou d'autres livres sans avoir bêtement les larmes aux yeux. Alors qu'il y a justement cette froideur apparente, stylistique dont on parlait au début de l'émission. Vous parlez du constat. Moi, je suis toujours dans un état émotif extrême. Lorsque j'ai relu évidemment quelques romans pour cette émission, j'étais repris par ce sentiment. Et puis, il y a même quelque chose de sentimental chez Modiano autour de la figure de la... Claude parlait de la jeune fille, mais de la petite fille. Par exemple, à la fin, autour des photographies, justement, de qui construisent le Gay Orlo, la photographie, la petite fille de Gay Orlo dans Rue des Boutiques Obscures, qu'il retrouve à la fin, il voit qu'en fait, l'enfant pris sur la photographie, la petite fille, pleure. Et ce larme de fille l'émeut profondément et nous émeut profondément. Donc il y a même chez Modiano quelque chose aussi de sentimental qui, évidemment, est d'une, en même temps, qui est pris dans une écriture extraordinairement blanche, neutre et qui se refuse justement au pathos. Alors vous allez nous dire s'il y a aussi du sentimental dans le roman actuel, cette fois l'actualité dont vous souhaitez nous parler. Éric Marty, c'est Les Nuits d'Ava de Thierry Froger, paru chez Actes Sud. Ava, c'est Ava Gardner. Ava, c'est Ava Gardner, donc c'est forcément c'est sentimental, mais d'un côté un peu kitsch du sentimental, c'est-à-dire le côté star, le côté monde du cinéma. C'est un roman que j'ai énormément aimé. Thierry Froger avait publié il y a 2 ans, Sauf qu'il peut la révolution, qui était aussi un roman lié au cinéma et Jean-Luc Godard. Cette fois-ci, c'est un roman qui est lié à Ava Gardner. Et le point de départ, c'est une photographie. Ava Gardner, lors d'un tournage à Rome, un peu ivre, se fait photographier par le chef opérateur du film qu'elle tourne sur le modèle de la naissance du monde de l'origine du monde de Courbet. Voilà. Et le point de départ, c'est cette photographie, donc, de la femme sans tête, en quelque sorte, pour faire un euphémisme, d'Ava Gardner, qui va produire un roman tout à fait impressionnant dans le tressage des histoires. D'un côté, il y a l'histoire de Courbet et du tableau, l'origine du monde, qui est lui-même fait à partir d'une photographie. De l'autre, il y a Ava Gardner qui, elle, à partir d'un tableau, fait une photographie. Et puis, il y a l'histoire du narrateur, qui est un intellectuel, professeur, un peu paumé de province, qui voudrait éviter d'être un vieux cinéphile, qui voudrait être autre chose qu'un célibataire, en quelque sorte, et qui a ce rapport, donc, à l'image, au cinéma, et qui crée, justement, alors, un monde sentimental, si on veut, par le narrateur lui-même, dont la vie est un peu compliquée, mais qui, en même temps, est alors très drôle, et surtout qui évoque de manière absolument magistrale le monde du cinéma, le monde d'Ava Gardner, avec autour de Hemingway, Frank Sinatra, La Mafia. Enfin, c'est un roman que j'ai énormément aimé. Et dont on ne parle peut-être pas assez dans cette rentrée. On ne parle pas, et c'est tout à fait dommage, parce que c'est vraiment un très bon roman. On va redonner son nom, Les Nuits d'Ava de Thierry Froger. C'est paru chez Actes Sud. Merci beaucoup, Éric Marty. À très bientôt. Sur France Culture et dans la compagnie des auteurs au dernier jour de notre série consacrée à Patrick Modiano. Nous sommes avec Claude Burgelin pour parler à présent du roman Accident Nocturne, dont voici un extrait toujours dans la voix de Laurence Millet. Tard, dans la nuit, à une date lointaine où j'étais sur le point d'atteindre l'âge de la majorité, je traversais la place des Pyramides vers la Concorde quand une voiture a surgi de l'ombre. J'ai d'abord cru qu'elle m'avait frôlé, puis j'ai éprouvé une douleur vive de la cheville au genou. J'étais tombée sur le trottoir, mais j'ai réussi à me relever. La voiture avait fait une embardée et elle avait buté contre l'une des arcades de la place dans un bruit de verre brisé. La portière s'est ouverte et une femme est sortie, en titubant. Quelqu'un, qui se trouvait devant l'entrée de l'hôtel, sous les arcades, nous a guidés dans le hall. Nous attendions, la femme et moi, sur un canapé de cuir rouge, tandis qu'il téléphonait au comptoir de la réception. Elle s'était blessée au creux de la joue, sur la pommette et le front, et elle saignait. Un brun massif aux cheveux très courts est entré dans le hall et il a marché vers nous. Dehors, Ils entouraient la voiture dont les portières étaient ouvertes et l'un d'eux prenait des notes, comme pour un procès-verbal. Au moment où nous montions dans le car de police secours, je me suis rendu compte que je n'avais plus de chaussures au pied gauche. La femme et moi, nous étions assis côte à côte sur la banquette de bois. Le brin massif occupait l'autre banquette, en face de nous. Il fumait et nous jetait de temps en temps un regard froid. Par la fenêtre grillagée, j'ai vu que nous suivions le quai des Tuileries. On ne m'avait pas laissé le temps de récupérer ma chaussure et j'ai pensé qu'elle resterait là, toute la nuit, au milieu du trottoir. Je ne savais plus très bien s'il s'agissait d'une chaussure ou d'un animal que je venais d'abandonner. Ce chien de mon enfance qu'une voiture avait écrasé quand j'habitais aux environs de Paris, une rue du docteur Curzon. Tout se brouillait dans ma tête. Je crois que vous considérez ce livre « Accident nocturne » comme le plus beau texte de Modiano, Claude Burgelin, c'est vrai ? Oui, enfin un des plus beaux, parce que Dora Brunner, c'est magnifique. Mais un de ceux qui permettent d'entrer dans l'atelier mental de Modiano de façon très passionnante. On vient d'entendre une histoire de chaussure qui devient chien. La métaphore, elle est là. Hein. La chaussure, c'est très important parce que donc, au cours de cet accident, le narrateur perd sa chaussure. Et oui, c'est une obsession. Et dit, la chaussure, c'était le seul leg de mes parents. Et je n'avais qu'une chaussure, marcher sur un pied, et apprendre à marcher sur un pied dans les rues en pente douce. Oui, c'est ce petit programme narratif. Donc c'est quoi cet atelier mental, alors ? Parce que c'est celui où on voit bien comment tout ce que traite Modiano, il le fait continuellement vaciller. Mm-hmm. Prenons par exemple cette jeune femme qui va s'appeler Jacqueline Beausergent. Il va se révéler qu'elle est au fond une sorte de jumelle. La femme qui oriente sa recherche érotique ou sentimentale, la compagne de truand, une espèce d'Yvonne de Galet. On va se retrouver en Sologne à un moment donné. Bon, il faut raconter qui est cette jeune femme et comment elle arrive dans l'histoire. C'est extrêmement difficile de la raconter qui est cette jeune femme, parce que donc c'est elle qui était la conductrice de la voiture au moment de l'accident. Et pendant qu'ils sont transférés vers l'hôtel Dieu, là, ils se tiennent la main, ils sont tachés de sang l'un et l'autre, elle a une cicatrice. Et après ça, il va la perdre, il va être opéré, donc l'éther, amnésie. Et après ça, la trame du roman, c'est rechercher à retrouver cette jeune femme dont il s'imagine qu'elle est celle qu'il a soignée dans un premier accident qu'il a eu étant enfant, où il a été déjà renversé par une voiture. Et il pense que c'est elle a été une espèce de jeune fille grande sœur qui s'est occupée de lui. Et il est persuadé de ça. Et il y aura un itinéraire. Donc c'est à la fois le narrateur et puis Patrick Modiano lui-même, parce que c'est Patrick Modiano qui a eu cet accident quand il était enfant, devant son école où on n'était pas venu le chercher, où on l'avait oublié, ce qui est quand même aussi assez significatif. Et il pense qu'elle, c'est la jeune femme qui arrive un peu tard pour dire « Ah, mais j'arrive, mais je suis là, je m'occupe de lui quand même. » Et ça, c'est vraiment le sujet objet perdu. Alors, on parlait de l'humour de Modiano. Jacqueline Beausergent, c'est un nom délicieux, archi-français, Jacques Bonsergent, Jacqueline Beausergent. Bon. Or, c'est le nom, ce nom vient de la compagne d'un truand. C'est que Modiano sait tout sur les faits divers qui se sont déroulés entre 1930 et 1960. Mmh. Et c'était plus ou moins la compagne de José Giovanni, qui est par là. D'ailleurs, un écrivain qui a écrit Le Trou. Bon. Mais enfin, Jacqueline Beausergent a été condamnée à quelques années de prison. Donc la vraie, celle qui a donné son nom au personnage. Celle qui a donné son nom. Et donc là, il y a cette touche imperceptible d'humour chez Modiano. Je suis en train de l'idéaliser et d'en faire la Gradiva. Mais en même temps, je sais bien que c'est la compagne d'un type qui n'est pas un enfant de cœur. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Modiano nous oblige tout le temps à jouer avec toutes sortes de résonances et de consonances. Ne croyez pas que A soit A et seulement A. Mm. C'est tout, toutes sortes de choses. On ne peut pas faire confiance, alors ? Non, c'est là où l'intelligence est à être au travail. Elle a à être à l'écoute de ces signifiants qui peuvent partir dans toutes sortes de directions, et en même temps qu'il faut savoir tisser ensemble, puisque d'une certaine façon, un roman, c'est faire tisser, aboutir à ce que ces signifiants dessinent une histoire alors même qu'ils partent dans des directions divergentes. Mmh. Jacqueline Bossergent, c'est aussi presque Jacques Bonsergent. Vous avez cité ce nom d'un résistant français. Donc on est encore là dans la résonance avec l'occupation. C'est la femme d'un truand, Jacqueline Bossergent, mais c'est presque aussi le même nom qu'un résistant. Là encore, on est dans mouvement. Mais la vie est ainsi. Et ce qu'il y a de passionnant avec Modiano, c'est justement qu'il nous oblige tout le temps à comprendre que un temps n'est pas seulement un temps, un lieu n'est pas seulement un lieu, un individu n'est pas seulement un individu, mais qu'il faut y associer toutes sortes de choses, défaire les coagulations. On a besoin de ce pilotis, de savoir l'espace, le temps, que 2 et 2 font 4, etc. Et l'universitaire que je suis essaye d'enseigner que 2 et 2 font 4. Or, il nous dit tout le temps, attention, ça fait 4, bien sûr, évidemment, mais ça peut faire aussi 5 ou 6 ou autre chose. Le même hiver où j'avais entendu la voix lointaine de Guy Roussotte, il m'était arrivé une mésaventure. On a beau, pendant plus d'une trentaine d'années, avoir peiné pour que sa vie soit plus claire et plus harmonieuse qu'elle ne l'était à ses débuts, un incident risque de vous ramener brusquement en arrière. C'était au mois de décembre. Depuis une semaine environ, quand je sortais ou que je rentrais chez moi, j'avais remarqué qu'une femme se tenait immobile, à quelques mètres de la porte de l'immeuble ou sur le trottoir d'en face. Elle n'était jamais là avant 6 heures du soir, une femme grande, vêtue d'un manteau en mouton retourné et qui portait un chapeau à large bord et un sac marron en bandoulière. Elle me suivait du regard et elle restait là, silencieuse, dans une attitude menaçante. De quel cauchemar oublié de mon enfance cette femme pouvait-elle bien sortir? Et pourquoi maintenant? Je me suis penchée à la fenêtre. Elle attendait sur le trottoir, l'air de surveiller la façade de l'immeuble. Mais je n'avais pas allumé l'électricité dans la pièce et il lui était impossible de me voir. Avec ce gros sac en bandoulière, ce chapeau et ses bottes, elle donnait l'impression d'avoir été la cantinière d'une armée disparue depuis longtemps, mais qui avait laissé derrière elle bien des cadavres. J'avais peur qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin de ma vie, elle ne se tienne en faction là où j'aurai mon domicile et que cela ne serve à rien de déménager. Chaque fois, elle trouverait ma nouvelle adresse. La compagnie des auteurs et ce nouvel extrait d'Accident nocturne. À quoi pensez-vous en l'écoutant, Claude Burgelin ? À la mère de Modiano, évidemment. Et ce personnage de cette vieille femme dure, brutale, une espèce de sorcière très inquiétante, on va le retrouver dans d'autres livres par la suite, associé au faux curé, faux torero, qui incarne le personnage de Jean Co, qui a été le compagnon de Louisa Colpain. Donc la mère de Patrick Modiano. De Modiano. Le combat contre cette femme est une image très saisissante de cette vieille femme qui cherche à l'attaquer, à forcer son intimité, qui se tient devant sa demeure. C'est une image très forte. Et en même temps, comme Modiano a toujours beaucoup d'humour et d'intelligence subtile, à la fin, on voit cette vieille femme boiter. Or, pendant tout le roman, le personnage qui est l'incarnation de Patrick Modiano ne cesse de boiter. Oui, puisqu'il lui manque une chaussure. Et oui. C'est un roman d'ailleurs où les blessures jouent un rôle très important. Tous les personnages saignent dans ce livre. Et jusqu'à la fin d'ailleurs. Et le narrateur garde ses vêtements tachés de sang pendant presque tout le roman, non ? Pendant presque tout le roman. Et ça, c'est pas une métaphore, alors? On a dit qu'il y avait pas de métaphore. Si, les douleurs saignent dans Accident nocturne. Alors c'est une fable, Accident nocturne, ça reprend d'une certaine manière le code de la fable là, pour vous. C'est une fable, ça rejoue, bon bien sûr le code de la fable, puisque donc il y a... Quand on lit Accident nocturne, on ne peut pas même pas penser à Orphée, Eurydice, Le Grand Monde, chercheur Yvonne de Galet, etc. Ben, ça raconte une histoire de chute. Presque tous les grands textes autobiographiques racontent, sous un mode ou sous un autre, une histoire de chute. Jean-Jacques Rousseau avec le chien de Ménilmontant, Georges Perec qui nous raconte ses sauts en parachute. Alors c'est que des métaphores tout ça. C'est des métaphores, mais qu'effectivement, pour reprendre un autre mythe, c'est l'histoire de Saint Paul, de Saül tombant de cheval avant de devenir Paul. Que pour que quelque chose naisse, il faut que quelque chose tombe. Mmh. Et Modiano passe son temps, le narrateur passe son temps à dire « mais cet accident, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ». J'étais en train d'aller droit vers la catastrophe, quelque chose comme ça. Et là, enfin, il découvre, et c'est très intéressant, des possibilités neuves de respirer. Mmh. Le respiratoire joue un très grand rôle dans Accident nocturne. Et d'ailleurs, à la fin, il lit le livre de Camille Flammarion, Les Merveilles Célestes. D'ailleurs, à la fin, la dernière scène se passe dans un ascenseur. L'ascenseur, il s'envoie en l'air. Avant qu'on voit, ils vont s'envoyer en l'air. Encore une métaphore, décidément. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans Accident nocturne. Donc, ils sont dans cet ascenseur et puis ils vont monter sur une grande terrasse où il y a une vue sur tout Paris. Donc, ça, c'est la respiration. Et à la fin du roman, le narrateur admet que son entreprise, sa quête, a été aussi vaine que, je cite, celle d'un géomètre qui aurait voulu établir un cadastre sur le vide. Oui, mais malgré tout, ce qui nous est raconté, c'est une histoire de libération. Et à un moment donné, dans Accident nocturne, il doit répondre à un curriculum vitae imaginaire. Et elle... quelle structure familiale avez-vous connue? J'ai répondu aucune, etc., etc. Et à la fin, il dit... Que préférez-vous, la profondeur du tourment ou la légèreté du bonheur? La légèreté du bonheur. Voulez-vous changer la vie ou bien retrouver une harmonie perdue? Retrouver une harmonie perdue. Ce qui est très intéressant chez Modiano, c'est qu'il nous raconte des histoires de gens fracassés, paumés, souvent semi-délinquants, que ça pourrait finir dans le sordide, ou va partir dans le sordide très très vite. Et au bout du compte, ce sont des histoires d'harmonie retrouvée. Donc le narrateur, tout comme les personnages, parviennent à retrouver l'harmonie. Ou en tout cas, la façon dont c'est écrit nous donne le sentiment d'une harmonie retrouvée. Parce que Modiano sait faire respirer la langue et la pensée de façon extrêmement élégante et légère. L'avantage du roman, c'est que sur l'autobiographie, c'est qu'elle il permet de se servir de certains éléments de ce qu'on a vécu, de se ressentir, de les projeter. Parce que c'est vrai que c'est un peu gênant l'autobiographie, parce qu'il y a une sorte de côté solennel, on est toujours obligé d'adopter un ton autobiographique, et puis il y a un côté narcissique, tandis que l'avantage de la création romanesque, c'est qu'on se sert de certains éléments personnels redistribués autrement, et ça vous donne une impression de quelquefois de plus grande vérité que la démarche autobiographique, en fait. Et se mettre dans la peau d'une femme, ça vous arrive souvent, de prêter ce qui est vous à des personnages féminins. C'est quelque chose de rare, ça. Vous vous seriez aimé femme? C'est-à-dire que si pour faire un portrait plus nuancé d'une femme, de se mettre à sa place, alors là, il faut vraiment avoir un génie romanesque, comme il y a très peu de romanciers qui l'ont eu, Tolstoï, ou j'en vois pas beaucoup, en fait. Vous n'êtes pas, vous, un grand romancier? C'est-à-dire, c'est toujours un peu bizarre, j'ai l'impression que mes livres ne sont pas vraiment des romans, parce qu'évidemment, c'est plutôt une sorte de... J'arrive mal à définir ce que ça, c'est plutôt plus proche du poème que du roman, parce qu'évidemment, j'ai été très influencé par les lectures qu'on a fait très jeune, évidemment. Les lectures, je lisais beaucoup de poèmes, et je pense qu'au fond... c'est un peu le reste de toutes ces lectures poétiques c'est plutôt une sorte de voix, enfin de plutôt une voix qu'on entend parler plutôt qu'un roman très structuré, enfin avec un foisonnement romanesque. C'est le soir où près du métro nous avons croisé Modiano. Le soir où tu ne voulais pas croire que c'était lui sur le trottoir. Le soir où j'avais dit tu vois la fille juste en face du tabac. Tu vois le type derrière de dos. C'est le soir. Et vous avez reconnu Claude Burgelin, Vincent Delerme, et cette chanson, Le baiser Modiano. Vous l'aviez reconnu tout de même. Inimitable voix de Vincent Delerme. Qu'est-ce que vous gardez de ce qu'a dit en archive avec cette tonalité, cette scansion de la phrase si particulière, Patrick Modiano, à la fois sur l'autobiographie, puis sur la question de Vincent Josse, sur les femmes, son rapport aux femmes? Moi, je retiens que effectivement, il renouvelle totalement le champ de l'autobiographie, puisque l'autobiographie, en général, c'est le récit des faits constitutifs d'une vie. Là, il le fait dans un pedigree, mais ce n'est pas l'essentiel. Que l'essentiel, c'est justement de faire pénétrer dans le monde imaginaire et le monde associatif d'un être humain, et ça, il le fait de façon absolument magistrale. Les pensées, la musique, le corps, la respiration, la façon dont il fait respirer la langue. Dis-moi qui tu es. Qui tu es, c'est la façon dont tu fais respirer la langue. Donc se raconter, ça n'est pas raconter une suite de faits. Je suis né en 45, c'est... en 47, en 43. Finalement, ça n'a pas d'importance. C'est pas si ça, ça l'autobiographie. De l'importance, ce sont les points fixes, les pilotis, à partir desquels la toile d'araignée de Modiano peut se tisser. S'il n'y avait pas ces pilotis, il ne pourrait pas la tisser. Mais une fois ces pilotis enfoncés, comme la mort du frère qui est énoncée là en 10 lignes, bon, à partir il de faut là, quand même le dire. Il faut quand c'est même le dire. C'est aussi ça qui crée tout à fait le reste. Oui. Le mot d'autofiction, en début de semaine, un invité, je crois que c'est Denis Cosnard, a dit qu'il n'y avait pas d'autofiction. Pour vous, on peut l'employer? Moi, je l'emploierais au contraire très volontiers pour Modiano, puisque c'est des fictions auto. Il ne laisse jamais oublier qu'il est là dans le tableau, Patrick Modiano. Toujours, il rappelle, il y a un personnage qui dit qu'il est né le 20 ou le 25 ou le 30 juillet 1945 à Billancourt. C'est toujours les yeux de l'auteur qui montrent et qui ne se cachent pas. Qui ne se cachent pas. Et il raconte ses fictions. Et en racontant ses fictions, il donne un autoportrait absolument passionnant. Oui. Est-ce qu'on peut confondre le narrateur et l'auteur, en général, dans ces romans-là? Justement, oui, virgule, non. Ah, oui, virgule, non. Comment dirait l'autre, mais en même temps. Et justement, ça nous oblige à un travail de l'intelligence, à pas rester enfermé dans des rails, mais à savoir les ouvrir. Je trouve que justement, c'est une très belle aventure de l'intellection que nous propose Modiano. Merci beaucoup, Claude Burgelin. Et pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je conseille la lecture du livre collectif Lecture de Modiano. C'est sous la direction de Roger Yves Roche. C'est paru aux éditions Cécile Defaux en l'année 2009. Cette émission n'aurait pas été possible sans Laurence Genepin, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Stéphanie Vélin et Emmanuel Morse-Duncan. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'écrivain britannique George Orwell à l'occasion de la traduction parue il y a quelques mois de son livre le plus célèbre, 1984.